Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire qui s'intéresse à l'histoire du travail à domicile avant l'ère du télétravail. Et nous allons nous pencher sur le cas des aristocrates. Oui, sous peine de déroger, le noble ne peut pas travailler, ne peut pas embrasser une carrière incompatible avec l'état de noblesse. Mais pourtant, n'est-il qu'un propriétaire oisif ? Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En 1756, Marc-Antoine à Jacques Rochon de Chabannes écrit un petit texte de 23 pages. Il est intitulé « La noblesse oisive ». Ah, l'oisiveté, cet état d'une personne qui ne fait rien, momentanément ou de façon durable, qui n'a pas d'occupation précise, qui n'exerce pas de profession. La noblesse oisive, dites donc, nous sentons là une petite attaque. Que peut-on y lire ? L'oisiveté est la source de l'émulation. Elle anime les talents, entretient les arts, adoucit les mœurs et augmente la population. Bah oui, quand on n'a rien d'autre à faire, on imagine des occupations. Et puis, il continue en disant que l'oisiveté des grands est la source de l'émulation des petits. Chacun va aux honneurs à son tour. Et voilà ce regard porté au XVIIIe siècle par Marc-Antoine Jacques Rochon de Chabannes sur cette noblesse oisive. Mais les aristocrates sont-ils des feignants ? Ouh là là, pas du tout. Il y a la guerre déjà et il y a tant et tant d'occupations pour monsieur le marquis, pour madame la comtesse. Il faut s'occuper des réceptions, il faut s'occuper des œuvres de charité. Et puis il y a les terres, non. Il est certain que monsieur l'aristocrate, que madame l'aristocrate n'est pas du tout oisive. Cette semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, une histoire du travail à domicile et aujourd'hui, aristocrate. Un métier à plein temps, avec un point d'interrogation. Avec nous aujourd'hui, Éric Mention-Rigaud, bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes professeur d'histoire à l'université Paris-Sorbonne, Paris 4. Vous êtes l'auteur d'une œuvre autour de ce monde-là qui, alors je pourrais en citer plein, aristocrates et grands bourgeois, éducation, tradition, valeur. Il y a également La vie de château qui paraît en poche hein, chez Tempus ou Enquête sur la noblesse, la permanence aristocratique. Tous ces ouvrages, tous ces regards sur ce monde de l'aristocratie nous poussent dans un cliché, à l'idée d'oisiveté, comme je l'évoquais. Parce que une règle veut, et nous l'avons appris, que pour ne pas déroger, pour ne pas perdre son état de noblesse, l'aristocrate ne peut pas travailler. En fait, il faut faire juste un point sur cette question-là avant d'aller plus loin. Non, ne pas déroger ne veut pas dire ne pas travailler. Les nobles doivent travailler. Alors, c'est en effet paradoxal, dans un beau cycle consacré à l'histoire du travail, qui d'ailleurs sera sûrement écouté par les agrégatifs, puisque c'est un sujet sur lequel ils planchent en histoire contemporaine, c'est paradoxal consacrer une séance entière à la noblesse et d'inviter, avec, pour son plus grand bonheur, le spécialiste de la noblesse contemporaine. Mais vous aimez casser les clichés en bon historien, et c'est ce que nous allons faire. Alors certes, comme le rappelle ce texte du comte de Chabannes, la noblesse au XVIIIe siècle est stigmatisée par ses détracteurs comme étant la classe de loisirs, une classe oisive. En réalité, c'est oublier les fonctions originelles de la noblesse qui, certes, se sont réduites une fois la curialisation des guerriers, la curialisation de la noblesse à Versailles, même si Louis XIV, privant la noblesse de ses fonctions politiques, a toujours veillé à lui laisser des commandements militaires. C'était même l'une des conditions pour recevoir le titre le plus important, qui était le titre de duc, qui était le seul titre correspondant à une dignité en France. Selon la tripartition, cette analyse qui a été faite par Dumézil et qui a été beaucoup reprise par Duby pour étudier la société féodale, vous avez d'une part les oratores, c'est-à-dire ceux qui exercent la fonction sacerdotale et qui prient. Vous avez les laboratores, c'est-à-dire précisément ceux qui travaillent, au sens qu'ils exercent une fonction productive, c'est-à-dire qu'ils sont les laboureurs de la terre, les paysans, les artisans, et puis éventuellement les petits commerçants. Mais il y a enfin les bellatores, qui Eux exercent la fonction militaire, la fonction de protection de la terre et des populations, et qui regroupe précisément la noblesse d'épée, qui est la première et la plus ancienne des noblesses, la noblesse immémoriale, noblesse féodale, noblesse chevaleresque et noblesse d'extraction. Cette tripartition va fonctionner jusqu'à la fin de l'Ancien Régime par les états généraux, le premier ordre, le second ordre, le troisième ordre, qu'on appelle le tiers état. Ce qui veut dire que dès ses origines, dès son apparition dans l'histoire, la noblesse est liée à l'activité guerrière, c'est-à-dire à l'activité militaire. La noblesse a le monopole de l'utilisation des armes. Alors, ça suppose bien sûr que, en plus de ses fonctions militaires, de ses fonctions physiques, la noblesse émerge dans l'histoire par la bravoure sur le champ de bataille. C'est l'origine de la reconnaissance de la noblesse qui va être ensuite transmise héréditairement et reconnue par le prince et par la société. Mais en outre, en plus de ses fonctions militaires, je dirais de ses fonctions de sa puissance physique, elle dispose aussi d'une puissance économique, c'est-à-dire essentiellement de terres, qui lui permettent d'asseoir son autorité, de transmettre aussi son autorité et d'entretenir des fidélités. Ce qui veut dire que, dès l'origine, la noblesse a une puissance, une primauté au sein de la société, qui sont liées à l'exercice de fonctions guerrières et qui vont induire des responsabilités publiques. Éric Mansurigo, dans cette évocation et sur un large panorama de la noblesse, nous sentons bien cette origine liée à la guerre. Mais vous avez évoqué la curialisation de la noblesse quand Louis XIV met ses nobles à la cour. Voilà, ils sont là. Mais ce phénomène est intéressant car il se double à côté de la noblesse d'épée, d'une autre noblesse qui, de manière évidente et factuelle, travaille, c'est la noblesse de robe. Il y a aussi, sous l'Ancien Régime, tout un aspect de nobles qui, par leur nature même, leur état de noblesse même, travaillent. Tout à fait. Alors, dans la noblesse de robe, c'est un processus très, très complexe qui correspondait à la fois à une volonté de l'État de remplir les caisses puisque les charges étaient vendues très chères, mais c'était aussi une manière pour l'État de déléguer une partie de la fonction publique, de l'exercice des charges de justice, avec une noblesse de robe qui compté aussi des dynasties de très très grands juristes. Je pense par exemple aux Nicolaï qui sont présents du XVIe siècle jusqu'à la Révolution à la tête des plus hautes fonctions judiciaires en France. Mais je voudrais repréciser quelque chose concernant l'importance militaire de la noblesse. Georges Duby a bien montré comment, entre la fin du IXe siècle, qui correspond à la période de décadence du pouvoir carolingien, et le début du XIe, quand s'affirme le pouvoir capétien, la puissance capétienne, on assiste à l'émergence d'un groupe dominant qui s'inscrit dans le vide de l'État, c'est-à-dire que l'effondrement du système politique, l'affaiblissement de la puissance régalienne, l'effritement de la puissance régalienne et l'état d'anarchie qui est visible en France durant tout le Xe siècle stimule la volonté d'indépendance des seigneurs qui vont s'arroger l'exercice de la violence et le contrôle d'une micro-région sur laquelle ils vont s'installer pour défendre le territoire. Ça correspond à une demande aussi des populations et ils vont édifier ces fameux châteaux forts dont la France ne va cesser de se couvrir pendant 4 siècles, qui vont d'abord être en bois, puis se doter d'un donjon à partir du XIe et du XIIe siècle, circulaire, puis carré, puis de plus en plus important, de courtines, et devenir forteresses totalement invincibles, jusqu'à l'invention du boulet de fonte qui va évidemment tuer en quelque sorte le château fort. Donc l'origine de la noblesse est un ancrage terrien très fort avec l'exercice d'un pouvoir militaire, l'exercice aussi d'un pouvoir d'administration qui va être transmis héréditairement puisque avec ce système de la chevalerie qui va contribuer à organiser la féodalité, il va y avoir évidemment ces familles qui vont transmettre héréditairement un pouvoir qui, à l'origine, était seulement délégué. À l'époque carolingienne, qui devient patrimonial durant cette émergence de la féodalité et qui va ensuite être transmis héréditairement. Et là, cet ancrage dans la terre, que nous reverrons au cours de l'émission pour le 19e siècle, puisque au 19e siècle, la noblesse, pour effacer le traumatisme révolutionnaire, réinvestit les campagnes, investit énormément dans ces châteaux, les reconstruit, les embellit. Ce château va symbolise à la fois l'origine militaire de la noblesse, représente un capital économique qui va être très très important durant toute l'époque moderne et jusqu'à la fin du 19e siècle et même, je dirais, surtout depuis la seconde moitié du 20e siècle avec véritablement l'effondrement de la rente foncière, mais qui reste encore très importante tout au long du 19e siècle. Et le château symbolise encore aujourd'hui l'enracinement, c'est-à-dire la longue durée de la lignée par ce château qui est le lieu du regard rétrospectif et le lieu où sont conservés tout ce qui maintient la mémoire de l'enchaînement généalogique. Oui, cette mise en place, Éric Mansion-Rigaud, est essentielle pour bien comprendre ce fonctionnement et en tout cas la posture des nobles dans une société post-révolutionnaire, donc au 19e siècle, la Révolution française, moment de rupture essentiel dans l'histoire de la noblesse, où, durant ce mois d'août 1789, ils perdent tout. C'est l'abolition des privilèges et, à la fin du mois, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux. Est-ce que cette révolution casse complètement le statut noble, même presque leur manière de concevoir leur existence, avec ou sans travail, ou est-ce que, comme on l'a souvent dit, il y a des continuités sur le avant et le après? Alors, bien sûr, la nuit du 4 août, qui marque définitivement, qui marque la rupture qui rompt avec 10 siècles de structure sociale, puisqu'elle met fin à la société d'ordre et établit l'égalité. C'est le grand acquis de la Révolution française. Certains lisent parfois que la Révolution apporte la liberté, mais la liberté existait déjà. En revanche, elle apporte l'égalité. Et c'est la nuit du 4 août qui est absolument fondamentale, et c'est évidemment une rupture majeure dans l'histoire de la noblesse. Précision d'ailleurs que la noblesse y a été extrêmement active, puisque la nuit du 4 août a été portée, l'abolition des privilèges a été portée par le duc de Richelieu, qui était la seconde fortune après la couronne, après celle de la couronne, et par les La Rochefoucauld-Liancourt, et surtout par le vicomte de Noailles, qui était le beau-frère de Lafayette et qui était extrêmement soucieux d'égalité. Donc c'est en effet une rupture majeure, mais dans l'histoire de France, je pense, et dans l'histoire de la noblesse, une rupture majeure aussi est la curialisation de la noblesse à Versailles. C'est quelque chose que les spécialistes des noblesses européennes ont parfois un peu de mal à comprendre. La noblesse française est très très originale, est incomparable aux autres noblesses européennes pour de multiples raisons. C'est une noblesse très peu nombreuse, c'est une noblesse qui a vécu la féodalité, qui a été actrice principale de la féodalité. C'est une noblesse qui, au 19e siècle, se divise en différents courants, mais c'est surtout une noblesse qui a connu cette curialisation à Versailles que la noblesse anglaise n'a jamais connue. Il y a eu des cours, certes dans les autres pays, mais il n'y a pas eu une cour aussi fermement dirigée par Louis XIV, qui veut vraiment mettre fin aux guerres privées et qui veut justement empêcher la noblesse de conserver un rôle militaire qui puisse être autonome. Et il faut jamais oublier que la grande période de destruction des châteaux forts est celle qui est ordonnée par Richelieu, qui interdit que soit maintenue toutes les forteresses qui ne servent pas à la protection des frontières. Donc il y a vraiment une volonté de démantèlement pour accélérer ce phénomène de transformation des châteaux en châteaux de plaisance, des châteaux forts en châteaux de plaisance, qui sont dépourvus de leur fonction militaire. Nous voyons donc avec vous, Éric Mansion-Rigaud, ces grands moments de l'histoire de la noblesse que sont le XVIIe siècle, quand Louis XIV met la noblesse à sa cour et puis voilà, dompte en partie sa noblesse, et puis la Révolution française avec l'égalité, avec l'abolition des privilèges, mais quand même cette pérennité de sentiments d'aristocrate, cette manière de vivre. Et cela transcende notre histoire, j'ai presque envie de dire jusqu'à aujourd'hui encore, sur l'image du noble détaché du travail. Je vous propose d'écouter un extrait d'une archive de 1976, c'était en décembre 1976, quand les journalistes de TF1 avaient été voir un châtelain, pas n'importe quel châtelain, Augustin de Rouget. Oui, Augustin de Rouget, à qui l'on demandait, mais comment se passent vos journées? Comment se passent vos journées? Eh bien, le matin, je me lève vers 8h et je commence par allumer la chaudière, moi. Parce que je vous dirais bien simplement que j'ai 52 radiateurs que je n'allume pas, que nous allumions autrefois jusqu'à la guerre. Nous avons quelquefois 4 degrés dans les couloirs. Voilà. Je fais mon déjeuner, et puis je m'habille, et puis je sors. Je vais au jardin, où je vais dans les métairies. Les métairies, des bons métayers. Pas des fermiers, des métayers. Oui, j'ai un fermier et 3 métayers pour le moment. Je les considère absolument comme des amis. Ils partagent leur joie et leur peine. Ils partagent les miennes. Je m'occupe également d'une association qui me prend pas mal de temps d'ailleurs, l'association Les Vieilles Maisons Françaises. Nous travaillons beaucoup avec les Beaux-Arts, avec le ministère des Affaires Culturelles. Nous leur indiquons les vieilles maisons, les vieux châteaux, les vieilles églises à réparer ou à entretenir ou à sauver. Vous prenez vos repas seul? Quand je suis seul ici, je prends mes repas en bas à la cuisine avec ma cuisinière. C'est plus simple, les plats sont encore plus chauds plutôt que de les monter par le monde plat. Et puis je rentre et je me couche. Voilà. Voilà, une vie simple. Augustin de Rouget, interrogé en 1976 sur sa vie de châtelain. Éric Mention-Rigaud, nous avons beaucoup de choses dans cette archive parce que, en évoquant sa vie, eh bien, le châtelain dit qu'il doit s'occuper du château, dit qu'il doit s'occuper de ses terres, il évoque les métayers. Et puis, il y a les œuvres caritatives, il parle de l'association des vieilles maisons françaises. Et puis, il y a les domestiques aussi, il y a la cuisinière. Même, je dirais que ce témoignage, qui est pourtant déjà ancien, puisqu'il date de plus de 40 ans, signale bien la rupture majeure dans la vie des élites anciennes et dans la vie des châteaux, qui est la raréfaction d'abord, puis la disparition de la domesticité. En 1900, les domestiques représentaient encore 1 million de personnes. Mais les domestiques à demeure, c'est-à-dire pas une femme de ménage qui vient 3 heures par semaine et payée par un chèque emploi-service. C'était des gens à demeure. Et ces châteaux qui, au XIXe siècle, se reconstruisent, le grand paradoxe de la France, et Dieu sait si notre histoire est peuplée de paradoxes, c'est que la Révolution tue la seigneurie comme entité politique et ouvre l'âge d'or des châteaux français. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, à partir du Second Empire, on n'a jamais construit autant de châteaux en France. La Sologne se couvre de châteaux Louis XIII. On en construit 4 fois plus en 50 ans que durant les 3 siècles précédents. Donc, quand on traverse la France, on voit constamment ces grands châteaux néo-gothiques ou néo-renaissance ou néo-Louis XIII en briques et pierres qui sont reconstruits, aménagés et surtout les immenses communs avec de très grandes écuries. Les châteaux sont rehaussés. On y installe des fermes modèles qui signalent le réinvestissement économique de la noblesse dans les campagnes. Et ces châteaux ont des grandes cuisines, ces châteaux du 19e siècle qui sont hauts, auxquels on accède par des perrons. C'est parce que vous avez des cuisines en sous-sol qui ont d'ailleurs des fenêtres. Ces châteaux du 19e siècle tiennent compte, les architectes tiennent compte aussi de toutes les réflexions des hygiénistes depuis le 19e siècle. Donc on fait entrer le soleil, on aère, enfin tout un tas de leçons d'ailleurs qu'on a intérêt à reprendre aujourd'hui. Et puis vous avez des étages entiers de combles. C'est-à-dire que vous avez ces châteaux qui sont faits pour 10 personnes. Entre la cuisinière, la lingère, le jardinier, les cochers, vous aviez dans beaucoup de châteaux 10 à 15 personnes en 1900. Ça demande beaucoup C'était de travail. C'était à une époque où alors, il est vrai qu'il n'y avait pas l'électroménager, donc on avait besoin d'avoir plus de monde. Il n'y avait pas de chaudière, le chauffage collectif, enfin le chauffage central se met en place timidement. L'électrification des châteaux ne commence que dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale. Et la grande période d'électrification des châteaux, c'est les années 20. Il y avait, et donc là, comme c'était une époque où les campagnes étaient encore pleines, où il y avait une main-d'œuvre qui évidemment ne coûtait pas trop cher, ces châteaux avaient une très forte domesticité qui va considérablement se réduire pendant l'entre-deux-guerres, parce que les familles aristocratiques ont moins d'argent, parce que parmi la domesticité, il y avait aussi des hommes qui ont été tués. Donc la domesticité masculine est quelque chose qui disparaît vraiment dans l'entre-deux-guerres ou se raréfie extrêmement. Et puis, d'autre part, vous allez avoir aussi un métier qui va beaucoup moins susciter l'intérêt. C'est l'époque où les demoiselles de magasins sont de plus en plus nombreuses. C'est les demoiselles des PTT aussi. Et puis, vous avez l'invention de la machine à écrire. La machine à écrire va séduire beaucoup de jeunes filles qui préfèrent apprendre ce métier plutôt que d'entrer dans une maison. Donc tout ça va s'ajouter, évidemment, la Seconde Guerre mondiale va marquer une étape supplémentaire, et ce monsieur de Rouget, qui est quelqu'un certainement de plus très jeune, en 1976, avait certainement connu dans son enfance son château. La famille de Rouget est une grande famille de Loire-Atlantique, donc je pense que son château doit être en Bretagne. Et il a certainement vécu son enfance avec encore 4 ou 5 personnes. Or là, il a simplement une cuisinière, et je soupçonne fort en 1976 déjà que cette cuisinière n'était plus à demeure et qu'il était seul la nuit dans son château, ce qui est le cas de tous les châtelains depuis 30 ou 40 ans, et maintenant plus que jamais. Éric Mansion-Rigaud, vous êtes l'auteur de La vie des châteaux, qui paraît une réédition chez Tempus, et Aristocrate et grand bourgeois, dans ce grand château où il y a, au 19e siècle, ça s'arrête après, des domestiques, pour le seigneur, l'aristocrate, le maître du lieu, il va falloir organiser tout ça. Et il y a à domicile un travail à faire, c'est s'occuper du personnel, de la bonne qui est malade, recruter, parce que il y a d'autres gens qui doivent être remplacés. Au moment où il faut mettre en ordre le jardin, il faut s'occuper des jardiniers. Il y a du travail pour l'aristocrate dans son château. Alors, bien sûr, et au 19e siècle, comme je vous le disais tout à l'heure, la noblesse veut renouer avec les chaînes des temps, rompre avec un 18e siècle qui était volontiers libertin, pendant lequel la noblesse s'était détachée de la pratique religieuse et s'était coupée des campagnes. Si la Révolution arrive, c'est aussi parce que un certain nombre de grandes familles qui étaient très présentes à Versailles, je pense les Gramont qui sont une famille du Sud-Ouest, je pense aux Noailles qui sont aussi une famille du Limousin, à des familles qui étaient très très éloignées de leur propriété, qui étaient confiées dont la gestion était confiée à des intendants plus ou moins rigoureux, plus ou moins honnêtes. Et finalement, ces familles étaient de plus en plus lointaines de paysans qu'elles ne connaissaient pas et qui pouvaient manifester à leur égard un ressentiment qui, en fait, s'adressait surtout à leurs intendants. Je cite dans mon enquête sur la noblesse une très belle lettre du duc de Gramont. Les Gramont ne vont plus à Bidache, qui se trouve pas très loin de Bayonne, entre Bayonne et Saint-Palais, depuis en gros le milieu du 18e siècle. Et le duc de Gramont est tout étonné quand, dans les cahiers de doléances, il s'aperçoit que la population de Bidache revendique une municipalité et proteste contre l'intendant. Comme c'est un homme des Lumières, Montesquieu, la Brède n'est pas très loin de Bidache, n'est pas très loin de Bordeaux. On n'est même pas à une centaine de kilomètres. Donc bien sûr, comme toute la haute aristocratie, c'est un lecteur de Montesquieu, un lecteur de Voltaire, de Rousseau, de Diderot. Il est proche des encyclopédistes. Mais il dit, mais bien sûr, mais j'étais pas au courant. Mais faites ce que vous voulez. Donc, la noblesse, pendant toute cette période de traumatisme terrible qu'a été la terreur et puis l'émigration, la noblesse a réfléchi. Toutes les mémoires qui sont publiées dans les années 1840, écrit par cette génération donc qui a vécu toute cette période très dure, on voit bien qu'ils réfléchissent. Les femmes en particulier, Madame de la Tour du Pin, dont on cite toujours les mémoires, passent son temps à dire « mais tout ça n'est pas arrivé par hasard. Retournons dans nos campagnes, recréons une proximité avec nos paysans, avec le curé. » Si l'un de mes livres s'intitule « Le donjon et le clocher, nobles et curés de campagne de 1850 à nos jours », c'est bien parce que il y a une proximité entre le château et le presbytère qui n'existait plus au XVIIIe siècle. Et c'est pour ça que d'ailleurs que toute une partie de ce qu'on a appelé le bas clergé était du côté du tiers-État. Donc il y a une volonté au XIXe siècle de rompre avec tout ça. Les envolées bucoliques du romantisme incitent d'ailleurs à retourner dans les campagnes. Et vous avez avec Vigny au Maine-Biraud ou Lamartine à Saint-Point l'archétype du poète gentilhomme qui veut retourner dans sa campagne, profiter de la nature, avoir une proximité aussi avec les paysans. Alors s'y ajoute évidemment une dimension politique aussi, c'est faire front à l'exode rural, à une époque où, et ça va croître tout au long du 19e siècle, les conservateurs brandissent la ville comme épouvantail, comme lieu de toutes les fermentations politiques, des révolutions. N'oubliez pas le traumatisme de la Commune en 1871, la Commune qui a fait reflamboyer la terreur et qui est perçue durablement par la noblesse comme un véritable épouvantail. J'ai publié les mémoires de Constance de Castelbajac, qu'elle a écrit l'année de sa mort en 85-86, et on se rend bien compte comment 15 ans après la Commune, Paris fait encore peur. Donc la campagne jusqu'à la fin du 19e siècle, maintenant ça a changé, mais jusqu'à la fin du 19e siècle au moins jusqu'à la Grande Guerre, la campagne est perçue comme un havre de paix et un lieu où justement la noblesse alliée avec l'Église peut travailler à la recristianisation des campagnes et à maintenir un ordre social qui est relativement paisible et qui maintient une société hiérarchisée et bien ordonnée. Et cela demande du travail aussi, Éric Mention-Rigaud, dans le fait, vous l'avez très bien expliqué, de retourner dans les campagnes. Mais il faut s'occuper des domaines, ça prend du temps. Et justement, en écho à ce rapprochement qui est fait avec le curé du village notamment, je vous propose d'écouter un extrait du film « La vie est un long fleuve tranquille », un film de 1988 par Étienne Chatiliez. Et évidemment, nous voyons ces valeurs aristocrates qui se diffusent dans la société, qui sont copiées par les grands bourgeois, aristocrates et grands bourgeois, c'est le titre d'un de vos ouvrages. C'est un moment très joli, hein, où Hélène Vincent, qui joue le rôle de Marielle Le Quesnoy, reçoit Patrick Bouchitet, qui joue le rôle du père Auberger. On a bien travaillé ce soir au catéchisme. Pierre participe beaucoup. Et moi, j'ai 9 bonnes réponses au questionnaire sur l'Évangile. En attendant, montez faire un petit brin de toilette avant le dîner. Père Auberger, venez avec moi, je vais déjà vous montrer ce qui est prêt. Mais j'ai honte, je n'ai fait qu'une vingtaine de sets de table et je n'ai pas du tout commencé les costumes. Mais Marielle, c'est déjà formidable. Et nous ne sommes que le 15, Marielle. Non, ne vous dérangez pas. Bonsoir. Bonsoir. Par contre, j'ai une bonne nouvelle. Madame de Nectin prend un stand. Elle fera pâtisserie fruits rouges avec ses deux filles et sa belle-sœur. Eh bien, c'est parfait. Bien joué, Marielle. Maman, je mets le couvert? Oui, mais fais-toi aider par les petits, c'est aussi leur semaine. Ah, bonsoir, mon grand. Bonsoir, mon père. Tiens, j'ai pensé à toi. Cet été, on a un stage de canoë et kayak dans les gorges du Poufoulon. Tu devrais t'inscrire. Vraiment? Oh oui, ça me plairait, ça. Et pas tant. Ça lui fera le plus grand bien, ça. Ça sent bon chez vous. C'est lundi, c'est ravioli. Ah, c'est lundi, c'est ravioli. Réplique culte du cinéma français, La vie est un long fleuve tranquille, d'Étienne Chatiliez. On entend bien dans cet extrait cette parodie de Huit Châteaux reproduite. En l'occurrence, c'est une belle demeure, mais ce n'est pas un château. Il y a des valeurs qui se diffusent, qui viennent de l'aristocratie, sans doute des valeurs reconstruites au XIXe siècle, dans lesquelles Madame est obligée de travailler, j'utilise ce mot-là pour être dans le thème du cours de l'histoire, mais elle a des occupations de charité notamment, de réception. Alors, bien évidemment, durant tout le 19e siècle, la volonté de renouer la chaîne des temps impose beaucoup de présence. D'abord, l'édification des châteaux suppose d'ailleurs quelque chose de conjoint de l'homme et de la femme, parce qu'il y a vraiment un très beau livre à écrire sur l'édification, la restauration des châteaux au 19e siècle, comme signe d'amour conjugal. Parce que le rôle des dots des femmes est très important. Et quand une femme apporte sa dot pour la reconstruction des châteaux, j'ai travaillé sur le château de Jocelyn des Rohan, deux dots successives ont été englouties au XIXe siècle pour totalement restaurer et reconstruire ce château. Donc les femmes, évidemment, jouent un rôle important et donnent leur avis. D'ailleurs, le hommage leur est rendu dans la décoration. Hommage est rendu à la femme, à la famille de l'épouse. C'est le cas pour différents châteaux, mais celui-ci tout particulièrement. particulièrement. Ça impose évidemment beaucoup de présence, parce que ces châteaux, il faut les faire vivre. Alors on les fait vivre en y recevant beaucoup d'amis. C'est l'apogée de la vie de château dans la seconde moitié du 19e siècle, avec des grandes salles à manger, avec, on y reçoit beaucoup. Si j'évoquais tout à l'heure la Sologne, c'est aussi parce que le chemin de fer arrive, donc on se déplace beaucoup plus facilement. Le chemin de fer désenclave aussi la vie de château. On n'est plus à l'époque de Madame de Sévigné qui, pour se rendre à Grignan ou pour aller à Vitré en Bretagne, avait 5, 8 jours, 10 jours de voyage quand même extrêmement difficile. Là, les voyages sont beaucoup plus faciles. Et puis, on séjourne longuement. On vient d'ailleurs avec ses propres domestiques. Et donc, il y a toute une ritualisation de la vie de château avec ses magnifiques salles à manger. C'est l'apogée de l'art de la table, puisque la salle à manger est quelque chose de récent, qui naît en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle et qui se développe en France. Donc, tout l'art de la table se développe. Des tables qui sont une salle à manger devient une pièce dédiée à la cérémonie du repas, avec un mobilier spécifique, des couverts spécifiques, les couverts à poissons par exemple, et puis toute une lingerie qui est mise en spectacle dans les châteaux privés ouverts au public. Il y a le rituel, il y a la chasse, l'activité de la chasse. N'oubliez pas que la Révolution française a été absolument dramatique pour le gros gibier et pour les forêts. Le gros gibier et les forêts se reconstituent progressivement sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, et les forêts sont somptueuses. N'oubliez pas non plus que la noblesse qui détenait à peu près le quart du patrimoine foncier de la France quand la Révolution arrive, a assez peu perdu. Les confiscations révolutionnaires, les biens nationaux, c'est avant tout les biens du clergé. Et une grande partie de son patrimoine a pu être sauvée, et donc elle possède encore de très grands domaines, de grands territoires de chasse, et il y a une activité en automne et en début d'hiver, une activité de chasse extrêmement importante. Donc ces châteaux sont habités pendant la belle saison, tout le monde part après le Grand Prix de Longchamp, donc tout l'été, qui est une période très agréable. En automne, qui est le moment des récoltes, des vendanges pour les châteaux qui sont dans des régions viticoles. Et puis après, vous avez toute la saison de la chasse. Donc dans les châteaux, on y vit de fin juin jusqu'au carême, enfin jusqu'en février, où on revient pour faire ses préparations pour le carême à Paris. Puis l'hiver, il y a quand même toute la sociabilité. Et puis après, il y a toute la saison des bals au printemps, ces bals qui sont extrêmement importants pour maintenir un ancrage dans les réseaux nationaux. Hein. C'est toute la particularité de ces anciennes familles qui veulent à la fois avoir un ancrage régional qui maintient enfin la mémoire de la mémoire généalogique, et puis maintenir son appartenance à des réseaux nationaux qui sont évidemment très essentiels pour les mariages. Donc dans tout ça, le rôle des femmes est très important, aussi bien à Paris que dans les châteaux, puisqu'elles ont un travail d'organisation d'intendance, même si elles sont très aidées, mais même si elles sont une grande partie de leur temps dans leur salon ou dans leur chambre, mais elles passent leur temps à distribuer des ordres, à vérifier des commandes. Dans toutes les archives de la noblesse, nous avons énormément de livres de comptes. Alors, certains, en effet, il y a délégation et sont tenus par la cuisinière, mais tout est tenu et vérifié et centralisé par la maîtresse de maison. Sinon, tout va à volo, hier comme aujourd'hui. Éric Monsurigo, d'ailleurs, la question se pose. Nous entendons ces réceptions, ces chasses, les livres de comptes, mais d'où vient l'argent? Parce qu'il y a ça aussi dans le travail à domicile de ces aristocrates. Il y a tout ce qui s'occupe des affaires de... Alors les terres, vous l'avez dit, les intendants, il y a tous ces biens fonciers, les forêts à exploiter. Et puis il y a les affaires, parfois il y a une mine, parfois il y a une forge. Donc il y a aussi beaucoup de temps de courrier, de vérification et de lecture. Oui. Alors la noblesse, puisque vous évoquez la fortune de la noblesse, au XIXe siècle est tout à fait importante. D'abord, elle n'a été que en partie érodée par les confiscations révolutionnaires, et d'autre part, elle se reconstitue très bien. Les travaux spécialistes des archives de l'enregistrement ont bien montré que avant même 1825 et cette fameuse loi malheureuse du milliard des émigrés, qui a été une faute politique de Charles X parce qu'elle ne s'imposait pas. Rembourser ceux qui avaient été victimes de la Révolution française. Qui a été évidemment très attaqué par l'opposition et de façon assez légitime, ne s'imposait pas puisqu'une grande partie des patrimoines avait été reconstitués part pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a eu des alliances très vite avec les enrichis de l'Empire, à la fois même parfois des acquéreurs de biens nationaux, mais aussi par des alliances avec les familles d'Empire qui se sont faites très très rapidement. Cette fusion des noblesses, qui avait été d'ailleurs voulue et orchestrée par Napoléon, fonctionne très très bien, donc va permettre une reconstitution des patrimoines. Il va y avoir également beaucoup d'alliances avec le monde de l'industrie, le monde de la banque, le monde du champagne avec la veuve Clicquot, dont la fortune irrigue les familles d'Uzès, de Mortemart, de Crussol d'Uzès et de Brissac. Le monde de l'industrie avec les Schneidre, puisque les Schneidre vont aussi très bien s'allier, et la fortune Schneidre va se disséminer dans les familles aristocratiques. Donc il y a une reconstruction des patrimoines. Et puis il y a aussi une meilleure gestion. Ça, c'est aussi l'un des acquis de la Révolution française. La haute noblesse, quand arrive la Révolution, est couverte de dot. Foin de l'esprit épicier, On dilapide, la grande faillite des Rohan-Guéménée à la veille de la Révolution, la faillite des Richelieu, enfin il y a des grandes faillites qui se succèdent, mais peu importe. Au XIXe siècle, l'aristocratie prend l'habitude de gérer beaucoup mieux son patrimoine, elle fait très attention, et un personnage comme Bonnie Caslan, qui à la fin du XIXe siècle renoue avec cet esprit du XVIIIe siècle, est tout à fait atypique et marginal au sein du Faubourg Saint-Germain. Donc une aristocratie qui est beaucoup plus sérieuse, entre guillemets, beaucoup plus soucieuse de la gestion de son patrimoine, qui fait très attention, qui fait correspondre ses rentrées d'argent avec ses dépenses, mais elle a encore beaucoup d'argent, donc elle dépense et elle réinvestit beaucoup dans les campagnes. Dans les campagnes où elle a des terres encore très importantes, et des terres qui rapportent jusqu'à la Grande Dépression, qui commence en France seulement dans les années 1880, la rente foncière rapporte beaucoup, et elle a appris aussi à diversifier ses patrimoines, même si elle le fait moins que la noblesse anglaise, mais elle investit aussi dans les bons du trésor, elle investit un petit peu dans l'industrie, et puis vous avez quand même un certain nombre d'aristocrates qui sont présents dans les conseils d'administration des banques et des maisons d'assurance, donc qui les tournent un petit peu vers une diversification de leur patrimoine. Et nous voyons bien se dresser un panorama de ce travail pour les aristocrates, hein, entre gestion des terres, organisation, des réceptions, mondanité, courrier, il y a plein de choses à faire, et dès lors se pose la question de qu'est-ce qu'être aristocrate. Ça veut dire quoi aujourd'hui, au XXe siècle par exemple? Eh bien, c'est un peu ce qu'évoque Jean de Penge, donc historien, écrivain, vieille famille de noblesse lorraine. Hein. Jean de Penge, il écrit dans son journal, le 24 novembre 1935, quelques réflexions autour de l'embourgeoisement. C'est une lecture dans le cours de l'histoire par Élodie Hubert. Nous allons déjeuner à Courson chez les Ernest de Caraman. Ils me parlent de la disparition de cet esprit aristocratique que nous avons encore connu. Ces enfants n'ont plus de relation avec leur milieu. L'embourgeoisement se fait à une vitesse croissante. Il n'y a plus d'autre distinction que celle du travail. Jean de Penge qui s'interroge. En 1935, il n'y a plus d'autre distinction que celle du travail. L'embourgeoisement se fait à une vitesse croissante. Éric Mansion-Rigo, quelle est cette réflexion sur qu'est-ce qu'être aristocrate au XXe siècle, étant donné qu'il faut maintenant travailler? Alors, je cite dans Enquête sur la noblesse cette réflexion que j'ai trouvée dans le très beau journal de Jean de Penge et qui m'avait surpris moins par son contenu que par sa date. On est en 1935 et je pense que justement maintenant c'est devenu la norme. C'est-à-dire que le grand changement pour la noblesse au XIXe siècle, alors pour les châteaux c'est la fin de la domesticité, l'électrification et puis l'arrivée du chauffage central, mais dans la vie des aristocrates, c'est l'entrée massive dans le monde du travail qui a été plus tardive qu'en Allemagne, ou surtout en Angleterre, mais Voltaire le dénonçait déjà. Parce qu'il y a certainement eu le poids de la dérogeance. Vous savez qu'en France, jusqu'à la Révolution française, le mode de vie noble, reste très important. Même s'il l'est moins depuis le début du XVIIe siècle jusqu'au XVIe siècle, ce qui est déterminant, c'est l'activité professionnelle, c'est-à-dire l'activité militaire, et d'autre part, avoir un mode de vie noble et qui vous permet d'être reconnu noble par ses pairs, P-A-I-R-S. Et c'est ce qui explique que jusqu'à la fin du XVIe siècle, on peut assez vite se faufiler dans la noblesse. C'est ce qu'on appelle la noblesse par agrégation. À partir du début du XVIIe siècle, de la fin du XVIe, et surtout sous Louis XIII et sous Louis XIV, la noblesse devient un statut juridique clairement défini, avec des procédures de vérification qui s'apparentent à un contrôle fiscal. En cela, pour la noblesse, la Révolution française n'a rien changé. Elle a toujours été soumise à des contrôles fiscaux à partir des grandes enquêtes de Louis XIV qui vérifient la filiation et la qualification sur 4 générations et qui, à l'issue de ces contrôles, permettent d'obtenir une maintenue de noblesse et qui sont, et ça sera comme ça jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Mais il n'empêche que malgré cette définition d'un statut juridique clair, sera maintenu quand même le principe de la dérogeance, c'est-à-dire l'interdiction absolue d'exercer ce qu'on appelle des métiers ignobles, c'est-à-dire le travail manuel, l'usure, et puis le commerce, à l'exception du commerce en gros, c'est-à-dire du commerce maritime, et à l'exception également du travail du verre et de la mine et des métaux. Ce qui fait que, en effet, quand la Révolution arrive, la noblesse va être très présente dans la cristallerie, dans le début de l'industrie du verre, et puis également dans l'exploitation des mines, dans le début de la métallurgie et de la sidérurgie. Mais il n'empêche que ça a constitué un frein. En plus de ça, au XIXe siècle, la volonté de renouer avec la chaîne des temps, et qui est renforcée encore par le repli des légitimistes après 1830, qui boudent le pouvoir politique, tout ça ne va pas inciter la noblesse à être moteur, à être pionnière dans le développement de l'économie. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que au XIXe siècle, il y a une, même s'il y a beaucoup d'alliances, il y a un écart d'image fort entre une bourgeoisie grande gagnante de la Révolution, qui est conquérante, qui est motrice d'un point de vue économique et qui met en avant sa compétence, et une compétence qui lui permet qui a pour conséquence le développement du capitalisme, dont les profits sont tempérés par un paternalisme, qui a aussi ses vertus, et une noblesse qui finalement, elle, est dans ses campagnes et plus dans un esprit qui est de conservation. Et qui trouve cette situation finalement assez confortable. La vie des châteaux est extrêmement heureuse au XIXe siècle. Vous allez chez les Rohan à Josselin, chez les Breuil à Chaumont, chez les Caslan au Marais, chez les Greffieux à Bois-Boudran, chez les Gramont à Vallières. Mais c'est une vie absolument extraordinaire, avec une noblesse qui a sur la scène européenne, une noblesse française qui est extrêmement prestigieuse, qui est très invitée, chez laquelle se précipite toute la cour de Russie chaque fois qu'elle vient en France, et Dieu sait si les grands-ducs sont présents à Paris, et qui conservé la maîtrise, se voit reconnue tout au long du XIXe siècle, la maîtrise des critères de l'élégance et de la distinction que lui reconnaît toute la bourgeoisie, grande bourgeoisie, moyenne bourgeoisie, petite bourgeoisie, qui l'imite, qui reprend, et finalement c'est la grande victoire remportée par ces élites d'Ancien Régime sur le message égalitaire de la Révolution française. Quand vous avez à la fin du XIXe siècle tous ces manuels de savoir-vivre qui sont publiés sous pseudonyme aristocratique pour assurer le succès de l'ouvrage, c'est bien la preuve qu'est reconnue à la noblesse la taxinomie des élégances. Oui, parce que la noblesse, image qui s'impose à la société et qui est copiée en fait sans cesse. Ce qui est intéressant, Éric Mention-Rigaud, c'est de voir d'ailleurs comment elle est copiée à différentes échelles. Ceux qui peuvent le faire au maximum vont le faire, je pense aux grands financiers, aux grands industriels, mais même chez les plus petits, ça se décline. Il y a ce modèle de la noblesse avec cependant l'impossibilité de vivre cette noblesse idéalisée, c'est-à-dire une noblesse qui ne déroge pas. Mais l'oisiveté que l'on reproche beaucoup à la noblesse n'est pas simplement l'absence de travail. C'est une plutôt autre chose, c'est un mode de vie. Alors, comme le souligne fort bien dès 1935 le Jean de Pange, il y a en effet une grande rupture au XXe siècle, puisque là, la noblesse va entrer dans le monde des études et dans le monde du travail, avec évidemment une accélération dans la seconde moitié du XXe siècle, et avec, je dirais, le dernier tiers du XXe siècle, qui est marqué par l'extension de ce phénomène aux femmes. C'est-à-dire que plus maintenant, dans les familles qui sont anciennes, porteuses de gloire et de mémoire, viendrait à l'idée de quiconque de dire à son fils ou à sa fille « Mais t'as pas besoin de travailler à l'école, de toute façon, il suffit de faire une finishing school, tu te marieras et tu travailleras pas. » Mais il suffit de regarder, je l'évoque dans mon livre, les listes d'admission dans les écoles de commerce, à Polytechnique, bien sûr, ou même à l'école normale supérieure, vous avez une surreprésentation de la noblesse, puisqu'on en est à 7, 8, 10%. La noblesse française, c'est 0,2% de la population française, 100 000 personnes. C'est-à-dire que vous avez en face de vous l'historien de la marginalité, et vous avez à l'évidence une surreprésentation de la noblesse qui est multipositionnée dans les espaces de pouvoir et extrêmement présente dans le monde du CAC 40. Hein ? Disons que pour en arriver là, Elle a beaucoup travaillé. Merci vivement, Éric Mention-Rigaud. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Enquête sur la noblesse, la permanence aristocratique, publié chez Perrin. Et puis, il y a vos autres ouvrages, La vie des châteaux, que l'on peut lire en poche chez Tempus, ou encore Aristocrate et grand bourgeois, également chez Tempus. Donc, c'est un panorama grandiose de l'histoire de la noblesse et du travail chez ces aristocrates que vous nous avez offert. Merci vraiment à vous. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, dans le journal de l'histoire, on conserve la grippe. Comment fait-on pour penser ce qui nous arrive ? L'histoire, la fiction, les scénarios catastrophes et des livres, des débats, des articles. Et on élabore des musées pour en conserver les traces, les mettre en collection, les exposer. D'ailleurs, un musée de la grippe a été créé après la Deuxième Guerre mondiale par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. C'est ce qu'on apprend dans l'essai de l'anthropologue Frédéric Keck, les sentinelles des pandémies. Après l'épidémie de grippe espagnole apparue en 1918, la grande catastrophe qui a fait de 20 à 100 millions de morts en 2 ans seulement, ce qui en fait l'épidémie la plus meurtrière connue, donc après cette hécatombe planétaire, la nécessité de suivre l'évolution de ces virus qui franchissaient allègrement les barrières d'espèces devient pressante. Une curieuse collection est alors rassemblée pour ce musée de la grippe grâce aux échantillons conservés pendant l'entre-deux-guerres dans le but de comprendre cette grippe espagnole de 1918 et ses mécanismes. Au Royaume-Uni, on s'était essayé à isoler les cellules du virus en l'inoculant au furet, bien connu pour éternuer comme les humains, tandis que l'armée américaine avait mis en place une commission sur la grippe en 1941. Les efforts de compréhension de ce nouvel ennemi identifié existaient bien, mais restaient dispersés. Comme on l'a compris depuis, les virus de grippe mutent en permanence et rendent les vaccins difficiles à trouver. C'est pour étudier les écarts entre toutes les variantes de ce virus que l'OMS lance un appel à ses membres à travers le monde pour recueillir le plus grand nombre possible d'échantillons de grippe et faciliter l'élaboration d'un vaccin. Mais dans les années 70, le principe de cette collecte est contrarié. En 1976, aux États-Unis, une grippe porcine est découverte à Fort Dix, un virus que l'on soupçonne de provenir du déplacement mal contrôlé d'un échantillon de grippe espagnole provenant d'un laboratoire soviétique. L'affaire fait scandale et cette circulation des souches virales apparaît désormais comme un risque sanitaire en soi et un motif de quelques sueurs froides. « Dans son projet de santé globale, l'OMS se casse aussi les dents sur les réalités géopolitiques. Les membres de l'OMS se faisaient un devoir d'envoyer des échantillons de souches virales, mais la Chine, déjà considérée comme l'un des épicentres de ces mutations responsables des épidémies, ne faisait pas partie de l'organisation et ne participait pas à cette grande collecte devenue suspecte. Hong Kong, colonie britannique à l'époque, est alors érigée en sentinelle de la Chine pour l'observation des souches de grippe à étudier dans la région et pour fournir le musée mondial. Mais cette solution reste approximative et tous ces écueils finissent par démontrer trop clairement les limites de ce musée universel de la grippe auquel le monde entier ne participe pas. C'est alors que l'on passe non plus de la prévention, essayer d'éviter l'apparition de l'épidémie, mais à la préparation, se résigner et s'organiser pour lutter contre un événement inéluctable. La collection du musée de la grippe, qui existe toujours, reste lacunaire par essence, mais elle a incarné, à un moment donné de notre histoire, l'ambition d'une politique de santé globale dans les premiers temps des Nations Unies, qui incarnait elle-même le rêve, largement égratigné depuis sa création en 1945, d'une concorde mondiale, y compris dans nos rapports avec les microbes, un rêve qui a toujours cours. Oui, un rêve qui a toujours cours. Alors, le furet éternue comme les images. Ça, j'adore. Il a le nez qui coule aussi. C'est ça. Et bien, nous allons fureter sur le site franceculture.fr pour les liens utiles et puis pour plus d'informations sur votre journal. Merci, Anaïs Kien. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscane-Viudès, Marion Dupont, Odile Jouessel, Juliette Corbel-Vivas, une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Dans le cours de l'histoire, histoire du travail à domicile, de la proto-industrie avec les paysans hors champ aux aristocrates, un travail à temps plein, nous allons nous intéresser à ce monde particulier qu'est celui du travail à domicile, quand la robe de bure devient bleu de travail pour les moines et pour les femmes au foyer, quand le travail est invisible. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, des émissions qui peuvent être commentées sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire.